Bongo Douimana. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a effectué ce mardi une visite au Burundi. Il a échangé avec son homologue burundais sur les domaines de coopération comme la santé publique, l'éducation et l'énergie nucléaire. Le concours national donnant accès au cycle poste fondamental de l'enseignement pour l'édition 2023 a débuté ce mardi 30 mai et se termine ce jeudi 1er juin. Lors du lancement officiel de cette épreuve en Provence Ruyigui, le ministre de l'Éducation a déclaré qu'aucun incident majeur n'a été signalé à travers tout le pays. Et 9 changeurs de monnaie sont dans la main de la police de Rumonge depuis le soir de ce lundi. La police les accuse de travailler dans l'illégalité. Voilà pour le sommaire. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a effectué ce mardi une visite au Burundi. Dans un point de presse conjoint tenu après une réunion à huis clos, le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, a indiqué que leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre ces deux pays, notamment dans les domaines de la santé publique, l'éducation et l'énergie nucléaire. Suivez le ministre Albert Shingiro. Nous venons d'avoir un échange fructueux avec mon collègue russe où nous avons exploré les voies et moyens de renforcer nos liens de fraternité, de solidarité, de coopération dans des domaines variés, mais aussi nous avons passé en revue la dimension régionale dans la gestion des conflits et des paradoxes sur le continent africain. Pour la coopération bilatérale, nous avons passé en revue les progrès tangibles déjà enregistrés, mais aussi nous avons identifié et relevé les défis. Mais nous nous sommes aussi projetés dans l'avenir pour voir comment diversifier davantage les domaines de coopération et nous sommes en train de préparer des accords de coopération qui seront signés en Russie lors du sommet Russie-Afrique qui aura lieu au mois de juillet cette année. Des accords dans des domaines d'intérêt commun, notamment l'éducation, la santé, l'énergie, la fonction publique, la justice, mais également l'usage de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, à des fins civiles. Et concernant la gestion des conflits au regard de l'invasion russe en Ukraine, le ministre Albert Shingiro indique qu'ils ont échangé sur les positions de chaque pays, notamment celui du Burundi, axé sur la recherche des solutions pacifiques. En ce qui concerne les enjeux globaux, nous avons bien évidemment parlé des conflits que nous avons à ce moment dans le monde. Et je lui ai dit que pour le Burundi, par exemple, en ce qui concerne la situation en Ukraine, le Burundi a choisi d'être du côté des solutions et non pas du côté des problèmes. Nous avons pris une position abstentionniste, une position de neutralité, une position de non-alignement pour éviter que ce conflit puisse atteindre d'autres régions, notamment le continent africain. Il faut atténuer l'impact de ce conflit, de cette situation en Ukraine, notamment en prenant une position de neutralité. Et c'est la position de la plupart des pays africains. Sur la situation en Ukraine et les autres conflits sur le continent africain, je lui ai dit que la position du Burundi est de faire en sorte que les États membres des Nations Unies puissent recourir aux différents outils diplomatiques que nous offre la diplomatie préventive, notamment le dialogue, la coopération, les bons offices, la négociation, pour éviter que des conflits surgissent. Et lorsqu'ils surgissent, éviter que ces conflits ne s'étendent pas comme effet de brousse et lorsqu'ils s'étendent, éviter que ces conflits soient dévastateurs. Donc c'est pour cela que le Burundi conseille les parties en conflit, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, d'emprunter la voie du dialogue le plus rapidement possible. Parce que, comme vous le savez, il n'y a personne qui est gagnant en termes de guerre, parce que les guerres laissent derrière elles des ruines, de la désolation, des orphelins, des veuves. Il faut donc recourir aux outils préventifs de la diplomatie qui sont à notre disposition à ce moment. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro. Et le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que le concours national pour les lauréats de la 9e année fondamentale, qui a commencé ce mardi, se déroule normalement à travers tout le pays. François Viariman a dit que même des solutions ont été trouvées pour des véhicules qui avaient connu des pannes dans le transport de ces examens. Une quarantaine d'élèves handicapés figurent parmi les candidats à ce concours. Suivez plutôt le ministre François Viariman. Au niveau de tout le pays, nous avons 75 345 000 candidats qui sont attendus, parmi lesquels nous avons 41 candidats qui sont des élèves à besoins spéciaux, c'est-à-dire des malvoyants, des sourds-muets et d'autres. Et jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Et cet examen se déroule dans 907 centres de passation du concours national. Donc pour le moment, je pourrais dire que tout se passe très bien. En tout cas, on n'a pas d'incident majeur. Un message que nous pouvons lancer et que d'ailleurs nous avons lancé dans toutes les écoles que nous avons déjà visitées, c'est un message d'encouragement à l'endroit de tous nos candidats. Le concours national, c'est un examen comme tous les autres examens qu'ils ont déjà passés. Donc c'est un examen vraiment, je dirais, normal. Et donc les candidats n'ont pas vraiment à peur de ce concours, même s'il s'agit d'une compétition. Deuxième message, c'est d'inviter les candidats à ce concours de travailler très sereinement. Parce que si cet examen qu'ils viennent de passer, je dirais le premier jour, leur paraît plus ou moins facile ou difficile, il ne faut pas baisser les bras, il faut plutôt mettre beaucoup plus d'efforts pour que les examens qui vont être passés le deuxième jour et le troisième jour puissent être réussis. Donc le message, c'est d'encourager vraiment nos candidats à leur dire que s'ils font beaucoup d'efforts pour ce concours, sans doute, ils vont réussir. Et à certains centres de passation visités en mairie de Bujumbura, comme le lycée du lac Tanganyika et le lycée Notre-Dame de Rohero, cet examen national s'est déroulé sans entrave. Notre reporter a pu noter qu'au lycée Notre-Dame de Rohero, 8 candidats se sont absentés. Moïse Misako. À ce centre de passation de cet examen national, les responsables affirment qu'ils ont commencé à temps sans entrave. Au centre situé au lycée du lac Tanganyika, il y a 193 candidats venus de 4 écoles différentes. Un seul candidat était absent, une précision d'Emmanuel Nahimana, coprésident de ce centre. Nous avons commencé à 8h40 parce qu'aujourd'hui nous avons des épreuves, c'est-à-dire entrepreneuriat et sciences humaines. En général, l'examen se déroule bien. C'est Diak un qui devrait avoir 98, mais il y a un absent. Nous avons 97, Foriamu qui a 44, Bassé 2 qui a 26, et Kofo Debou Bébé qui a 25. Au total, c'est 193 avec moins un abandon, c'est-à-dire nous avons pour le moment 192. À l'école fondamentale Skepres de Nyakabiga, cet examen national s'est bien déroulé. Au centre situé au lycée Notre-Dame de Rohero, 235 candidats venus de 3 écoles y passent au concours national. 8 candidats étaient absents selon De La Chance Gahino, président de ce centre. Selon lui, le problème survenu d'interchanger les copies a été vite résolu. L'examen se déroulait bien. Donc, à ce centre, il y a le lycée Notre-Dame de Rohero qui compte 80 candidats. Il y a encore l'école indépendante qui compte 115 candidats. Il y a encore l'école idéale de l'horizon qui compte 40 élèves. Au total, c'était 235 candidats. Donc, c'est 8 absents. Mais on a trouvé qu'il y avait donc l'échange des épreuves pour ce qui était prévu pour le centre Notre-Dame Rohero était dirigé vers lycée municipal Rohero. Mais après avoir constaté que dans le carton qu'il y a l'examen, donc les épreuves, même les listes des candidats de lycée municipal de Rohero, nous avons acheminé la question au supérieur, donc le DCE avec le DPE. Dans un laps de temps, on a en transféré donc le carton de lycée Notre-Dame Rohero. Ce concours national édition 2023 donnant accès au poste fondamental qui a commencé ce mardi prendra fin jeudi de la semaine en cours. Moïse Misago, 95% de Burundais vivant avec le VIH-Sida ont vu disparaître leur charge virale grâce au projet Reaching an AIDS-Free Generation. Ceci ressort d'une séance de présentation ce mardi des réalisations de ce projet. L'assistant du ministre de la Santé publique, Isidore Nihari-Lizoua, a indiqué que ce projet vise à mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030. Suivez-le. Nous venons de clôturer le projet RAFJ qui vise à obtenir une génération sans VIH-SIDA. C'est un projet qui était financé par USAID à travers FHI 360 et le projet a été exécuté durant les 5 ans ici au Burundi. Avoir les résultats, nous sommes reconnaissants et satisfaits des résultats de réalisation de ce projet du fait que nous venons d'atteindre les 3,95. Le premier 95 signifie que 95% des personnes vivant avec le VIH-SIDA ici au Burundi connaissent leur statut sérologique VIH. Et le deuxième 95 signifie que parmi les 95% connaissant leur statut sérologique VIH, 95% de ces derniers sont sous traitement antirétroviral et 95% de ces 95% connaissent leur statut sérologique VIH et qui sont sous traitement ARV, 95% ont une charge virale indétectable, donc qui ne sont pas susceptibles de contaminer l'infection à VIH. Cela a été même une occasion pour le Burundi d'être primé au cours de la réunion de planification qui s'est tenue du 27 février au 3 mars 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, date à laquelle le Burundi a été primé parce que ça a été le premier pays francophone ici en Afrique qui a obtenu ces 3,95. De notre côté, nous allons continuer à assurer la coordination des différents intervenants en matière de la lutte contre le VIH-SIDA. En même temps, continuer à perpétrer les stratégies innovantes qu'on a tirées de ce projet, RAFJ. En même temps, au niveau des formations sanitaires, mais également au niveau de la communauté. C'était Isidore Niari-Lizoua, assistant du ministre de la Santé publique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 9 changeurs de monnaie sont dans la main de la police de Lomongue depuis le soir de ce lundi. La police les accuse de pratiquer illégalement le commerce de change de monnaie. Ils ont été tous arrêtés vers 17h de ce lundi dans le quartier Swahili en possession de plus de 1000 dollars américains, plus de 6 millions de francs burundais, plus de 2 millions de shillings tanzaniens, plus de 150 000 francs plus de 150 000 francs congolais, 120 rands, 20 roupies indiennes et 12 rials saoudiens. Le commissaire provincial de police de Lomongue confirme cette rétention et déclare que c'est un dossier à transmettre au parquet de Lomongue. Les Burundais peuvent se fabriquer du charbon pour la cuisson sans recourir aux arbres et s'offrir de l'emploi. Telle est l'expérience d'Apollinaire Ndikuma Sabo, directeur gérant d'une société produisant du charbon artificiel à partir des herbes et épluchures à Mutambara, en commune et province Lomongue. Selon lui, cette société en activité depuis le début du mois de mars 2023 est aujourd'hui capable de produire 250 kg de charbon artificiel et compte aller jusqu'à 2 tonnes en 4 heures avec la modernisation des moyens de production et l'augmentation en effectif du personnel. Notre correspondant permanent à Lomongue, Jean-Pierre Misago, a rencontré Apollinaire Ndikuma Sabo. Voici son reportage. Des mauvaises herbes et différentes épluchures minutieusement séchées constituent la matière première dans la fabrication de ces briquettes, comme le dit Apollinaire Ndikuma Sabo, directeur gérant de la société Mutambara Briquettes Charcoal Company. Le génie de l'histoire réside dans la carbonisation de ces herbes et épluchures dans un four, quitte à les obtenir sous forme de charbon ordinaire. Elles seront ensuite moulues pour obtenir de la cendre, laquelle cendre sera mélangée à de la farine de manioc tombée par terre lors du pilage du manioc par un moulin d'à côté, de la farine qui servira de colle naturelle et augmentera l'action de ces briquettes selon Apollinaire Ndikuma Sabo. Des foyers en argile sont les plus conseillés dans l'utilisation de ces briquettes mais des foyers métalliques peuvent être également utilisés à condition qu'il n'y ait pas contact direct entre ces briquettes incandescentes et la marmite. Informé du Kumazabo. Désiré Nouimana, tenant un restaurant à Mutambara, est un client de cette société. Il indique que ce charbon qu'il appelle tourbe artificielle lui permet de gagner entre 2 et 3 000 francs burundais par jour par rapport à l'utilisation du charbon de bois ordinaire. Des jeunes engagés dans la protection de l'environnement et qui travaillent dans un premier temps bénévolement dans cette société espèrent qu'ils vont bientôt signer des contrats de travail avec l'élargissement du marché d'écoulement de ces briquettes dont le kilo se vend à 500 francs burundais. Les déchets de la vente du charbon, s'ils sont obtenus, sont également recyclés dans ces briquettes dont la cendre fine est ensuite utilisée comme fertilisant selon Apollinaire Ndikumasabo qui appelle les autres jeunes à se lancer dans l'autodéveloppement et partant au développement du pays. Assoumani Nhezimana, représentant provincial du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes à Rumonge, dit que ce programme est prêt à appuyer cette société afin de la moderniser. Jusqu'à présent, cette société peut produire 250 kg de briquettes par jour. Mais avec la modernisation du matériel de production, elle pourra produire 2 tonnes en 4 heures, dit son directeur gérant, qui dit être prêt à partager cette technique apprise en exil en Tanzanie, sans craindre d'être dans la suite concurrencée. Jean-Pierre Misago depuis Mutambara, Radio Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.